En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre La musique expliquée aux aliens sur la Radio Parfaite avec aujourd'hui un module conçu et réalisé par Mégane Renaud. Bonjour mes petits gros et bienvenue dans notre émission préférée qui vous aide à mieux comprendre votre humain de compagnie. Cela fait maintenant un an que nous avons envahi la Terre et découvert ces minuscules créatures qui la peuplent. Aujourd'hui, dans un... nous allons parler de la musique. Mais qu'est-ce que la musique ? La musique, c'est comme quand les bandes vont et qu'en plus, ils cherchent à... C'est quelque chose que les humains font et utilisent pour tout et n'importe quoi. Nous avions vu la semaine dernière qu'il fallait, pour qu'ils ne meurent pas trop vite, leur donner constamment de quoi se remplir, en évitant tout ce qui est béton, liquide de terre ou même traditionnel à base d'acide. C'est très contraignant, mais ce n'est qu'un tout petit pour ensuite pouvoir les regarder pendant des heures bouger dans tous les sens. Ils sont tellement mignons. Ils ont également besoin de cette fameuse musique. Mais attention! Tout comme la nourriture, il faut faire attention à ce qu'on leur donne et quand on leur donne. L'influence qu'elle peut avoir sur votre humain de compagnie n'est pas à négliger. Il y a un type de musique à proscrire, qui sont les musiques dites tristes. Il semblerait que toutes les musiques à base de vlonstin, de rogne et de provoquent une sudation incontrôlée chez eux au niveau des yantne mou. Vous savez, ceux qu'il ne faut pas toucher parce qu'ils sont fragiles. Et entraîne une déshydratation pouvant entraîner la mort. Il en est même certains, chez qui, à la suite de certaines écoutes, vont jusqu'à croire qu'ils peuvent voler. On ne sait si cela est dû à un parasite qu'injecte la musique dans leur snyopna, ou s'il s'agit d'une désorientation passagère, mais souvent l'issue en est fatale. Le problème principal étant qu'ils ne sachent pas s'arrêter tout seuls, car ce type de musique entraîne également chez la plupart d'entre eux une sorte de plaisir qui agit comme une drogue. Les observations du laboratoire Nyotchnok sur des humains en captivité pour lesquels nous avons reproduit leur environnement naturel montrent qu'ils sont capables de se l'injecter en boucle dans ce qui ressemble à nos pontchitnés et qu'ils ne cessent de pleurer tant qu'elles passent. Nous n'avons pas laissé l'expérience durer, préférant les protéger contre eux-mêmes, mais nous ne doutons pas qu'ils auraient continué jusqu'à être complètement desséchés. En voici un exemple afin de mieux cerner de quoi il en retourne. Vous pourrez ainsi observer les effets immédiats sur votre mignon petit humain. S'il ne me reste que toi, reviens, je t'aime. Reviens, je t'aime. Je veux mourir pour toi, rejoindre l'au-delà. Efface mes peines. Je voudrais mourir. La musique est malgré tout nécessaire à la survie de l'espèce humaine. En effet, elle semble favoriser le travail préliminaire au processus de procréation. Il en résulterait une mise en condition optimale, aussi bien physique que psychique. Ce serait si efficace que la plupart des humains, aussi grands soient-ils, passent par une phase de création de musique. Les humains ont réussi à construire de mignons petits objets à leur taille, capables d'émettre des sons spécifiques afin de se contrôler les uns les autres par envoi de vibrations choisies. Et l'effet le plus recherché lorsqu'ils sont aptes à leur production, c'est celui qui leur permettra de signaler, souvent chez les mâles d'ailleurs, qu'ils sont en rut. Et ce, afin de pouvoir, comme nous avons pu l'entendre chez eux, pécho de la belette. Le rituel amoureux, la séduction sont directement reliés donc à ces vibrations créatrices de son. Et elles semblent encore plus impactantes lorsqu'elles sont réalisées en direct par la personne cherchant à initier un certain type de comportement chez les autres. l'humain a a priori une intelligence très limitée et un comportement très archaïque. Mais la musique semble pourtant un outil de communication très complexe dont on ne connaît pas encore toute l'influence et les codes. On peut tout de même dire qu'elle reste quelque chose d'assez universel chez eux et qu'elle est encore pour eux le meilleur moyen de se comprendre. En attendant que la recherche avance, nous espérons vous avoir apporté quelques éléments de réponse et que vous pourrez ainsi garder votre humain en vie plus longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de... On parlera cette fois-ci de pourquoi il ne faut pas forcément jeter son humain dans le broyeur s'il semble ne plus bouger. Vous verrez, la réponse pourra vous surprendre. C'était « La musique expliquée aux aliens », une série conçue et réalisée par les étudiants du CFMI d'Orsay en exclusivité pour la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo.